nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Silvio Berlusconi a été président du Conseil des ministres italiens à trois reprises. De mai 1994 à janvier 1995, de juin 2001 à mai 2006 et pour finir, de mai 2008 à novembre 2011. Il était donc encore quand, en février 2010, le philosophe Robert Maggiori signait dans Libération une tribune titrée « L'Italie de Berlusconi, un pays en voie de barbarisation ». Pointant la dégradation morale et civique infligée à l'Italie par le style, si l'on peut dire, du milliardaire et par l'idéologie dont lui et ses alliés politiques étaient les porte-voix les plus vulgaires, Robert Maggiori développait dans ce papier l'hypothèse que l'Italie se serait provincialisée sous les gouvernements successifs du Cavaliere et plus largement durant les années de son pouvoir qui dépassaient très largement le cadre strictement constitutionnel. Reprenant l'idée au vol, Julie Clarini et Brice Couturier invitaient Robert Maggiori à débattre de cette question « Berlusconi a-t-il provincialisé l'Italie ?» avec l'historien Fabrice Dalmeda et le journaliste Stenio Solinas. Notons qu'en écrivant en 2010 que « provincialisé », l'Italie ne pouvait plus être présentée, ainsi qu'on l'a fait souvent, comme un laboratoire avant-gardiste, Robert Maggiori s'avançait un peu hâtivement. L'élection en 2016, à la tête de la première puissance mondiale, d'un personnage dont le style n'avait rien à envier à celui du patron de Forza Italia, inciterait au contraire à penser que l'Italie du moment Berlusconi était peut-être plus que jamais à l'avant-garde d'une sorte de post-modernité politique, comme l'avançait d'ailleurs Brice Couturier. Du grain à moudre, Berlusconi a-t-il provincialisé l'Italie ? Une émission diffusée la première fois, le 4 mars 2010, sur France Culture. Rome, qui reste dans nos imaginaires la capitale de l'Empire, est-elle devenue la province de l'Europe ? Est-elle venue trouver sa place dans les marches de l'Union européenne ? Qui se soucie aujourd'hui de ses positions au sein de l'ensemble bruxellois ? Quel est son poids sur la scène internationale ? Souvenez-vous de la blague semi-raciste de Silvio Berlusconi au lendemain de l'élection d'Obama. Elle fut traitée par le mépris. Pas même une vocifération indignée, à peine un léger appel à la décence. Mépris et indifférence seraient-elles les sentiments que provoque aujourd'hui la péninsule dans les consciences occidentales ? Imaginez-vous la même phrase prononcée par la chancelière allemande et c'est toute l'Europe qui se serait sentie engagée. Le philosophe Robert Maggiori a soutenu dans un article de son journal Libération, un article qui a retenu notre attention, que Berlusconi avait bel et bien provincialisé l'Italie. Une classe politique qui voyage peu, ne parle pas anglais, une télévision omniprésente et un taux de développement d'Internet encore trop faible, une école et une santé qui dégringolent dans les classements internationaux. L'écrivain Antonio Tabucchi déclarait il y a 2 ans déjà que le niveau esthétique avait baissé, qu'un programme de normalisation de la grossièreté était à l'œuvre dans la péninsule. L'Italie de nos rêves, ses paysages, ses villes, ses villages baignant dans une sorte de lumière mythique, comme l'écrit la grande Jacqueline Risset, cette Italie-là est-elle encore de ce monde ? Il Bel Paese a longtemps été l'avant-garde de tout, de la Renaissance comme du fascisme. Est-elle en voie de se ringardiser ? Ou au contraire, nous donne-t-elle à voir un nouveau visage du continent que nous ne savons pas reconnaître ? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Robert Maggiori. Robert Maggiori, vous êtes philosophe et journaliste à Libération. Et vous êtes donc l'auteur de cet article qui a fait beaucoup de bruit et que j'ai vu cité dans beaucoup, sur beaucoup de sites internet italiens, qui s'appelle donc « L'Italie de Berlusconi, un pays en voie de barbarisation ». Fabrice Dalmeda, vous êtes historien, les habitués de la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin vous connaissent bien à ce titre. Vous êtes spécialiste des questions de propagande par l'image, vous êtes maître de conférences à l'université de Paris 10 Nanterre et vous êtes notamment l'auteur de « La politique au naturel, comportement des hommes politiques et représentation publique en France et en Italie du 19e au 21e siècle ». Enfin, nous sommes avec Stenio Solinas qui est journaliste et écrivain et qui est le correspondant du quotidien italien Il Giornale. Alors Robert Maggiori, on va vous donner la parole puisque c'est un peu, comme je le disais tout à l'heure, votre article qui nous a donné l'idée de cette émission. On sent d'ailleurs un regret dans le constat que vous faites, dans cette façon dont on regarde aujourd'hui l'Italie de loin et de haut, dites-vous. Oui, moi, c'est... Pardon. C'est ça qui a provoqué, parce qu'en général, moi j'écris de philosophie, j'écris pas sur Berlusconi. Mais, d'ailleurs, c'était dans les pages tribunes, opinion libre. Voilà, c'est ça. Ben, y a quelque chose qui est aujourd'hui très choquant, c'est que on se sent pas bien en tant qu'Italien. Moi, j'aurais bien que je suis italien, donc je ne suis pas quelqu'un d'extérieur qui se met à déblatérer sur l'Italie. Vous avez encore la nationalité italienne ? Non, mais enfin, je suis italien. Vous y êtes né ? Non, mais il y a une preuve absolue, s'il y a France-Italie, moi je suis pour l'Italie, donc ça c'est une preuve absolue au football. Ah non, par ces tons d'identité nationale compliquée, je ne ferai pas de parallèle de ce type. D'accord. Donc moi, ce qui me gênait beaucoup, c'est l'image de l'Italie à l'étranger, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui ne correspond plus à la force, à l'image qu'avait l'Italie il y a encore une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, on parlait de littérature, on parlait de philosophie. Moi, je me souviens avoir fait un numéro de critique sur la nouvelle philosophie italienne avec Vattimo, avec Cacciari, qui est le maire de Venise. Et aujourd'hui, il y a une véritable vulgarisation, au sens du devenir vulgaire et pas devenir populaire, et une barbarisation. Le terme de imbarbarimento, moi je l'ai pris, c'est Fini, Gianfranco Fini, qui l'avait utilisé la première fois, donc qui est le président de la Chambre. Par conséquent, c'est pas un mot choquant. Pourquoi il y a effectivement cette incivilité croissante en Italie ? Ben, je crois parce que la vulgarité est au pouvoir. C'est-à-dire que nous sommes, nous en France, extrêmement sensibles, à juste titre, au moindre glissement de langage, au moindre geste. Je crois qu'il suffit de parcourir un tout petit peu l'Italie, de lire les journaux, de regarder un peu ces télévisions, pour voir à quel point on est arrivé de vulgarité, quoi. C'est-à-dire on se laisse totalement aller avec même des gestes. Je veux dire le Umberto Bossi, qui est donc le leader de la Ligue, avait déclaré il y a quelques années que le drapeau italien, lui, s'en servait pour se... Et là, il désignait une activité corporelle. Torchée. Je ne citerai pas torchée. Voilà, oui, Rabelais aurait dit ça comme ça. Voilà. Rabelais l'aurait dit sans aucune, effectivement, hésitation. Donc, c'est cette gêne-là qui m'a effectivement poussé à écrire ce papier, qui est effectivement assez dur, mais comme vous le disiez, c'est de l'ordre du regret, quoi. C'est, je ne suis pas là en train de piquer l'Italie pour l'humilier, au contraire. Moi, je voudrais que l'Italie revienne... L'Italie de Pasolini, l'Italie des Lucioles de Pasolini. Alors Stelio Solinas, vous êtes au téléphone avec nous depuis l'Italie. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, à ce constat amer de Robert Maggiori ? Non, mais c'est un constat réel, parce que l'Italie a des problèmes très grands. Mais je crois que Berlusconi, dans ces cas, c'est un peu un bouc émissaire. Il y a une difficulté de la politique à changer les choses en Italie, mais c'est une difficulté qui perdure de plusieurs années. La fin de la Première République a été avant Berlusconi. Ils sont 20 ans qu'il n'y a pas une réalité politique intéressante. Et alors il y a une vulgarisation de la vie et aussi de la culture, mais les noms qui a cité Maggiori comme Vattimo, Cacciari, etc., ils sont toujours vivants, ils sont toujours en train d'écrire, de parler. Je ne crois qu'il n'est pas un problème d'individualité, mais il y a une situation de difficulté de la politique et une incapacité de la politique de changer les choses en Italie. Alors, Fabrice d'Almeida, en lisant un de vos articles qui était paru dans un ouvrage collectif, justement un article qui s'appelait « Scusi per la volgarità », vous rappelez justement à quel point, avec l'élection de la première élection de Berlusconi au début des années 90, quelque chose bascule, alors que jusqu'à présent, deux Italies avaient... C'était toujours côtoyé une Italie dont vous dites qu'elle est civile, élégante, admirée depuis la Renaissance comme la réserve suprême de la beauté, et puis celle qui est décriée pour ses excès, sa saleté, ses comportements excessifs et abusifs, pays de caricature plutôt que de cocagne. Oui, mais c'est vrai qu'on est au cœur du débat, c'est-à-dire qu'on se demande, et peut-être on pourrait étendre ce raisonnement à d'autres pays d'Europe, mais dans le cas italien c'est particulièrement frappant, on a l'impression qu'il y a un classicisme, au sens le plus esthétique du terme, qui a volé en éclat quelque part dans les années 80, et que depuis, eh bien, le débat a été tiré vers des valeurs qui sont présentées comme des valeurs modernes, au nom justement du fait que ce sont des valeurs populaires. Et là, je crois qu'on a parlé d'Umberto Bossi, je pense que c'est peut-être là qu'il faut réfléchir à comment on hiérarchise les choses. C'est-à-dire, si on veut traiter ça en termes de discours politique, qui entraîne les autres dans son discours. Et peut-être moi, je et ne suis pas sûr. Et c'est possible pour vous. Je ne suis pas sûr que c'est Berlusconi qui est en fait le maître du jeu du discours. Je pense qu'il a été le maître de l'échiquier politique, incontestablement. Je pense qu'il a su. Je relisais dans la préparation de cette émission son article de 94 qui s'appelle Per crescendo in campo. Pourquoi je rentre en politique? 94, on est la veille des élections, et il décrit en répondant à un spécialiste de sciences politiques qui s'appelle Giovanni Panebianco. Panebianco disait, il y en a assez de cette république parlementaire, il faut avoir une polarisation, il faut une bipolarisation. Et Berlusconi répond, oui, je suis d'accord, il faut une bipolarisation, et je vais construire la droite. Et donc, en termes d'architecture électorale, je crois qu'il a joué un vrai rôle. Par contre, et c'est toute la difficulté, en termes de discours, je pense qu'il est entraîné par son époque aussi, parce que, et on va m'excuser cette phrase qui est un peu un truisme, mais on a les élites politiques qu'on mérite. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que Berlusconi peut incarner un premier prototype de politicien postmoderne? Je veux dire, il n'a pas d'idéologie précise, il ne distingue pas sa vie publique de sa vie privée, et en ça, il appartient bien à la culture des people, il est une des figures de la presse people, et quelque part en ce moment, on assiste, comme l'a noté le sociologue anglais Toby Mundy, à une relève des élites sociales qui passe un peu inaperçue dans toute l'Europe et qui est en Angleterre peut-être encore plus profonde qu'en Italie. Il appelle ça la République de l'amusement, Tommy Mundy. La République de l'amusement est en train, dit-il, d'enterrer l'état des Lumières. Les gens préfèrent les vedettes de la presse people parce qu'ils sont eux aussi des gens du commun, parce qu'ils n'appartiennent pas à la fameuse casta. Je fais référence au best-seller de deux journalistes italiens, Stella et Rizzo, qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en 2007, donc juste avant les élections de 2008. On dira Berlusconi n'est pas comme les gens du peuple parce qu'il a de l'argent, mais les vraies distinctions aujourd'hui, elles tiennent à la culture, au diplôme, à la classe sociale. Or, la nature du célébritariat est populaire, elle est cynique, elle est méfiante envers le rationalisme et celui des experts, elle aime les riches et les célèbres parce qu'elle pense que chacun a sa chance sur cette scène-là. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'écrit mon sociologue anglais Toby Mundy. Est-ce que vous ne pensez pas que Berlusconi surfe sur cette vague-là, postmoderniste, et est-ce qu'elle ne nous menace pas, est-ce qu'elle ne menace pas à terme toutes nos démocraties? Oui, enfin, je le crains, hélas, je le crains. Même si le terme de postmoderne, je le réserverais à d'autres agences, mais pas à celle-là. Mais il y a quelque chose de très très juste, et je rejoins ce que disait Fabrice tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu une métamorphose de la politique. C'est-à-dire que la politique ne se fait plus comme jadis, avec l'entrée, effectivement, dans la scène politique de Berlusconi. Ce qu'il a fait un peu comme une logique de tirage, de couverture. C'est-à-dire que Berlusconi a tiré la politique vers ce que vous indiquiez à l'instant, c'est-à-dire la culture de l'amusement, ce qu'il faisait avant d'entrer en politique, parce que ces télévisions sont des usines idéologiques de fabrication, effectivement, d'un consensus populaire, entre guillemets. Et en dégageant la couverture, il a laissé la place, effectivement, à la Ligue du Nord, qui a fait un travail extraordinaire, je dois dire, et je le dis évidemment avec beaucoup de regret. De la même manière que le faisait le Parti communiste avant, le Parti communiste italien. Un maillage de la société. Un mot qui le dit, c'est le mot territoire. Les léguistes utilisent constamment il territorio, il territorio. Nous avons écouté le territoire et maintenant nous l'occupons. C'est-à-dire qu'ils ont fait un travail que Antonio Gramsci, auquel je suis très attaché, appelait une révolution moléculaire. C'est-à-dire de maison en maison, d'étage en étage, effectué. Et aujourd'hui, ils ont réussi. C'est-à-dire qu'ils ont occupé énormément de place. Effectivement, c'est aussi une idéologie raciste, xénophobe. Mais là encore, tout n'est pas blanc et noir, si je puis dire. Parce que dans la Vénétie, dans le Triveneto, qui est effectivement la région la plus riche d'Italie, sinon même d'Europe, il y a le racisme le plus vulgaire, le plus. En France, il y aurait des manifestations tout de suite dans les rues. Si on écoutait quelqu'un comme Gentilini, quelqu'un comme Borghezio, c'est une honte. Essayez de le regarder sur YouTube. Vous tapez Borghezio, B-O-R-G-H-E-S-I-O, puis vous aurez l'image de ce qu'est la Ligue. Mais en même temps, cette région-là, c'est elle qui intègre le plus les travailleurs immigrés, parce qu'elle leur donne du travail dans les usines. Donc d'un côté, Berlusconi qui dépolitise la politique, et de l'autre côté, la Ligue, qui a très bien compris que c'était le moment de politiser. Ce qui en fait les frais, c'est le parti, disons, nationaliste, c'est-à-dire Alliance Nationale. Et c'est pour ça que Fini, il est entre les deux, comme entre l'enclume et le marteau. Stenio Solinas, est-ce que vous partagez cette idée qu'aujourd'hui, le maître du discours, la maîtresse du discours, c'est la Ligue en Italie ? Oui, mais je comprends que comprendre l'Italie par un étranger, c'est très compliqué et je crois que aussi c'est un outil. Par un Italien aussi, hein. Ouais, c'est aussi un outil parce que nous sommes vraiment dans une situation très compliquée. Alors, on doit dire qu'il y a un problème de loi. Vous avez eu en France un président qui s'appelait Mitterrand, qui a eu une fille illégitime. Tout le monde le savait, mais personne n'a jamais parlé, la presse n'a jamais parlé. La caste, comme dit Scuturier, la caste le savait. Question de caste. Seule la caste. Je crois que c'est aussi une question des lois. Il y a eu, au commencement de la présidence de Sarkozy, un journaliste du Nouvel Obs qui avait parlé d'un message sur les portables du président avec son ex-femme. Et il y a eu aussi des problèmes, le journaliste a dû s'excuser, etc. Tout ça, c'est impossible en Italie, où il n'y a pas de loi sur les hommes politiques. La presse peut dire à peu près tout ce qu'elle veut. Alors, il y a, en première question, il y a un problème de loi. En deuxième, il y a une situation culturelle extravagante parce que la télévision de Berlusconi a été osannée par la gauche dans les années passées parce que la gauche croyait dans le cinéma qu'on appelle en Italie spazzatura, les garbages, avait une idée de la télévision comme reality show, était enthousiaste de la télévision de Berlusconi et tous les hommes, les intellectuels de gauche ont travaillé par la télévision de Berlusconi avant que Berlusconi devienne un homme politique et après que Berlusconi est devenu un homme politique. Sauf vous comprenez que c'est une situation très compliquée. La Ligue a été définie par un homme politique très important de la gauche italienne, Massimo D'Alema, comme une côte, une costola, une côte de la gauche. Alors, vous comprenez comment c'est possible qu'une côte de la gauche ait aussi une partie xénophobe, une partie avec un lien si étroit avec le territoire. Vous voulez dire, quand vous dites une côte de la gauche, vous voulez dire partie prenante, c'est ça ? Une partie de la gauche. Une part de la gauche. Une part de la gauche. Fabrice d'Albida, mais c'est sûr, oui, c'est sûr que si on essaye de comprendre juste un instant ce qu'a représenté cette vulgarité, ce qu'on a qualifié de vulgarité au pouvoir, c'est qu'à un moment donné, on était quand même dans une Italie avec une classe politique empesée, un système politique bloqué, un sentiment de sclérose, et tout d'un coup, quand Bossi arrive et tient des propos fracassants, extrêmement vulgaires, tout d'un coup, c'est aussi l'art de la politique, c'est-à-dire qu'il déchire quelque chose. Oui, non, mais il y a un art de la parole, une éloquence en rupture avec toutes les valeurs que les dominants, on peut le dire comme ça, ont imposées au fil des siècles. On peut admettre ça. En même temps, étant un défenseur de la culture classique, moi je me désole qu'à un moment donné, il n'y ait pas un dépassement, disons, de ce premier état. Juste parce que j'ai l'impression que Stenio Solinas, il a une perception peut-être un peu fausse de notre pensée. Mon objectif, en parlant de l'Italie, en réfléchissant sur l'Italie, c'est pas de dire que l'Italie c'est moins bien que la France ou que ça n'a pas de sens de faire ça. On essaie de réfléchir à ce qui se passe dans un pays, à la façon dont se recomposent des valeurs. On n'essaye pas d'affirmer une quelconque supériorité nationale ou ethnique. Ce serait totalement absurde. Non, mais bien sûr, je comprends très bien. Non, mais je voulais juste que les choses soient claires. Si je peux juste rattacher, parce que la question qu'a posée Brice Couturier m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une désidéologisation de l'Italie, question qui vaudrait d'ailleurs plus généralement en Europe. Moi, j'ai pas l'impression, moi je parlerais plutôt d'une hyper-idéologisation, mais qui repose sur des préjugés qui nous paraissent banaux. C'est-à-dire qu'on est en fait dans une politique qui se niche maintenant dans des recoins où on ne l'attendait pas. Pourquoi regardons-nous la vie privée des uns et des autres ? Est-ce que c'est uniquement pour voir la petite culotte, pour voir la relation, pour voir... C'est pas du tout ça. Nous pensons qu'à travers ça, nous pouvons juger de l'aptitude d'une personne à gouverner. Donc nous avons dans notre tête un certain nombre de préjugés sur les qualités qu'il faudrait pour être un bon gouvernant qui suppose un certain type de dynamisme, etc. Nous sommes en train, pratiquement, de transformer l'idéologie en une espèce d'analyse sur la nature des individus. De politiser l'intime. Exactement. Et pour moi, nous utilisons, et c'est là où c'est très passionnant, c'est que nous utilisons encore de vieilles catégories de générosité, d'ouverture au monde, de dynamisme, de courage, etc. Et nous essayons de les rapporter à ce qui serait une qualité individuelle, alors qu'en fait, nous devons avant tout évaluer des mobilisations collectives. C'est ça la question qui se pose. Et s'agissant de cela, c'est très intéressant d'introduire cette idée justement du rapport à la loi, puisque il me semble, moi, que l'une des grandes transformations du berlusconisme, c'est de rendre la loi partisane. Je pense qu'on va peut-être discuter là-dessus, mais il me semble que ce que Berlusconi dit, honneur au vainqueur. Celui qui a gagné l'élection, il peut changer la loi. Et je veux arriver au débat que nous avons ces jours-ci en Italie. Bref, nous avons politiquement raison puisque nous avons politiquement le pouvoir parce que nous avons nous avons juridiquement raison parce que nous avons politiquement gagné. Exactement. Ce qu'avait dit un ministre socialiste en 1982, vous souvenez. C'est une évolution qui est à discuter, mais il me semble qu'un certain nombre de partis majoritaires aujourd'hui ont cette espèce de réflexe. Et très concrètement, il y a en Italie un problème de dépôt de liste. Un parti important, celui de Berlusconi, n'a pas pu, dans deux régions fondamentales, le Lazio et la Lombardie, déposer ses listes. Quel est le réflexe ? Bon, c'est un problème juridique. Ils sont arrivés en retard, etc. Bon, quel est le réflexe ? Le réflexe, c'est on va faire une loi. On va faire une loi pour permettre de reconnaître les listes, etc. Donc, ça peut paraître un détail. Sûrement, Stelio Solinas va me dire, Fabrice Almeida, vous exagérez, etc. Mais c'est quand même cette question qui se pose et cette question, au fond, de l'instrumentalisation de la loi, et à mon avis, pas pour des questions de détail, mais c'est vraiment une idéologie de fond qui s'impose. Mais est-ce que Berlusconi n'est pas aussi le produit d'une culture ambiante, je dirais, de gauche, je dirais même quelque part situationniste ? Le goût de la provocation, de la culture de l'image, la transgression permanente, l'autodérision, la dérision, etc. Tout ça, ça appartient à la culture populaire depuis une vingtaine d'années, et ça vient quelque part des situs. Quelque part Berlusconi, c'est pas pour rien qu'il y a tant de l'anarchisme de droite. L'anarchisme de droite, je suis d'accord avec vous, ça vient des deux. Mais vous voyez, quelque part, Berlusconi nous pose problème parce qu'il est quelque part en avance d'une génération sur bien des politiciens rationnels, éclairés, enfants des Lumières, comme Romano Prodi. Quelque part, nos médias ont encensé Prodi, comme aujourd'hui ils encensent Obama, parce que c'est des gens responsables et rationnels. Mais en face, le peuple, lui, il préfère peut-être le troublion. Oui, c'est Robert Maggiore. Simplement un détail. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Obama et Berlusconi sont à égalité dans les sondages ? Ils ont tous les deux à 49-50%. Et Berlusconi était très en avance sur Obama en Italie en décembre, parce qu'il était à 56 quand Obama n'était qu'à 50. Donc vous voyez, le peuple, il n'est peut-être pas toujours du côté des médias éclairés et des élites. Et bien sûr que non, parce que s'il était du côté des élites et des gens éclairés, ils n'auraient pas voté pour Berlusconi. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose de grave par rapport à la loi. Et c'est bien de rappeler ce qui se passe ces jours-ci quand même. Le fait qu'à cause d'une erreur bureaucratique de quelques minutes, mais enfin si je dépose mon dossier d'examen et un quart d'heure après, ils l'acceptent pas. Mais ils acceptent pas l'état de fait, donc ils vont faire une petite loi. C'est pas encore fait, mais ça va venir. Mais je rattache à quelque chose de plus général, et je reviens à cette idée de dépolitisation qui revient à une sur-idéologisation de l'autre côté. Parce que depuis quand même que Berlusconi est au pouvoir, pourquoi il y a une dépolitisation au sens classique du terme ? Parce qu'il s'est servi des deux chambres, des chambres de députés, uniquement pour faire des lois pour lui. Autrement dit, toute l'activité, ou quasiment toute l'activité du Parlement, est consacrée à faire des lois qui le protègent de ses procès. Si bien que beaucoup de gens ont dit qu'il était entré en politique pour se protéger de ses procès. Et que quand on voit effectivement le nombre d'accusations, lui il dit toujours, vous rendez compte, les juges rouges, j'ai eu 196 accusations. Mais enfin, personne pourrait le dire, parce que si moi je dis j'ai 196 accusations, peut-être que vous pourriez penser, tiens, il y a Anguille sous roche, il a peut-être fait quelque chose de pas bien. Donc toute l'activité, lui, il a fait élire tout son cabinet d'avocats, qui passe Niccolò Guidini, qui est le principal avocat, il passe son temps toute la journée, il mobilise tous les autres membres du Parlement pour faire des lois pour le sauver lui-même. La Ligue, et je reviens, c'est comme un clou que j'ai dans la tête, pendant ce temps-là, elle travaille. Alors, elle travaille peut-être de façon surréaliste ou de façon situationniste, j'en sais pas. Moi, je crois qu'elle travaille très classiquement, la Ligue, au contraire. C'est-à-dire qu'elle a, elle fait un travail sur le territoire, elle diffuse, elle divulgue, elle fait des livres, elle s'est inventée une mythologie. Tout le monde se souvient. Mais ça, c'est quand dans même, le Nord. Parce que ça a été... C'est dans le Nord de l'Italie. Ben, il y en a aussi une partie de la Ligue du Nord dans le Sud. Qui, a pas... qui commence à prendre racine. Tout... Là, c'est intéressant. Le berlusconisme, c'est plutôt une affaire pour un historien sud. De revenir. Le berlusconisme, c'est la seule force. Enfin, c'était la seule force politique. Et c'est une des questions. C'est pour ça aussi qu'on a du mal à le comprendre vu de l'étranger. C'est que c'est une vraie force politique nationale. Oui, mais on pourrait retourner la question, Fabrice. Pourquoi les Italiens ne comprennent pas l'incompréhension de l'étranger. Mais parce que non, mais là, c'est là, quand même Robert, curieux quand même. Alors, juste si on peut, Fabrice parce Dalmida. Que je sais qu'on a, on se dispute toujours entre entre amis de l'Italie sur la question Berlusconi, mais il me semble quand même que il y a une dimension que nous tendons à perdre de vue. Les élections ne se jouent pas uniquement sur des questions matérielles. Elles se jouent aussi énormément sur des questions symboliques. Et sur qui semble le mieux incarner la nation? Sur qui semble le mieux incarner éventuellement l'avenir du pays? Et incontestablement, je peux être un opposant politique, c'est une autre question, mais comme constat sociologique, visiblement, Berlusconi, aux yeux d'une très large majorité d'Italiens, incarne l'Italie. Il représente l'Italie et il représente ce qu'il pense être le meilleur moyen de rester ensemble. C'est-à-dire qu'il a réussi à mettre dans la même coalition AN, Alleanza Nazionale, et qui était plus implantée au sud, et la Ligue du Nord, qui était plus implantée au nord, et lui a fait une organisation qui, un peu partout sur le territoire, a dépassé les 10, 15, parfois 20%. Mais comment ça peut marcher, moi? Il y en a qui sont fédéralistes et d'autres qui sont au contraire centralisateurs. Comment il arrive à avoir deux alliés dont un nous dit je veux faire sécession les pays du Nord, et l'autre nous dit au contraire je veux une espèce de jacobinisme à la française? Non. Je comprends absolument pas comment ça marche. Mais il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'unité. Pour le moment, ça marche. Seigneur Solinas. Ça marche. Non, j'ai dit que pour le moment, enfin, ça marche, l'alliance entre Berlusconi, la Ligue et Alleanza Nazionale. Mais je crois que vous avez aussi une vision un peu bucolique du passé de l'Italie. L'Italie a eu une crise de la politique et la fin de la Première République avec une situation dans laquelle tous les partis politiques était objet de dérision en Italie. Le problème de Berlusconi n'est pas son pouvoir, mais c'est la faiblesse de ses adversaires et la faiblesse de la politique. Quand je dis qu'il y a un problème de loi, je dis qu'une chose très simple, vous avez un président de la République qui ne peut pas être jugé durant son mandat présidentiel. Et ça, c'est la chose que Berlusconi veut avoir pour lui-même. Dans le passé, toutes les fois que la gauche a eu le pouvoir, a été incapable de faire des lois sur le Berlusconi, sur le conflit d'intérêts ou sur les problèmes judiciaires relatifs à les gens politiciens. Ce que je vous dirais, c'est qu'il y a une difficulté de la politique à changer. Il y a une difficulté des Italiennes à d'accepter une réalité politique qui n'exprime pas aucune réalité. Dans cette situation, Berlusconi, c'est vraiment une politique postmoderne parce qu'il incarne un décisionnisme, il incarne une philosophie, si vous voulez, une stratégie de vie politique que personne n'y a pas dans ses adversaires. Mais est-ce qu'on pourrait faire une comparaison? Alors, j'ai encore choqué Stelios Solinas, mais je parlais tout à l'heure du fait que quand Jörg Haider avait participé, enfin était en capacité de participer au gouvernement en Autriche. Il y avait eu énormément de protestations dans toute l'Europe parce qu'on s'en avait le sentiment que ce qui se passait en Autriche nous concernait tous en tant qu'Autrichiens. Là, on a quand même le sentiment que l'Italie peut continuer. Tous les jours, on a des citations qui nous feraient nous relever dans la nuit si elles avaient été prononcées par un politicien français, un homme politique français ou allemand. Bon, là, c'est une très grande indifférence. Et puis finalement, si on fait le rapprochement avec la presse aujourd'hui, là où également le régime d'Europe, où également on se sert de la loi comme ça, de cette façon à son propre intérêt, ben c'est la Russie de Poutine. Alors là, est-ce que c'est post-moderne ou pas, j'en sais rien, mais est-ce que le rapprochement vaut quelque chose, Fabrice Dalméda? Je le trouve un peu sévère, oui, et un peu excessif. À part l'amitié entre Poutine et Berlusconi. Et puis, bon, jusqu'à preuve du contraire, les journalistes italiens peuvent travailler et ne sont pas abattus dans la rue par des milices. Et puis il y a une presse d'opposition et elle est puissante en voilà, Italie. Donc, je crois que là, quand même, c'est la comparaison, pour le coup, n'est oui, vraiment y a pas quand raison. Oui, mais il y a quand même, alors vous dites, il y a une opposition, etc., il y a une presse libre, il y a quand même aussi ce que Jacqueline Risset décrivait dans son article du Monde du week-end dernier, une grande apathie, une grande somnolence collective de la part des Italiens. Elle disait aujourd'hui c'est à nouveau l'ignavia qui s'installe, une passivité, une acceptation qui rappelle que le régime fasciste qui a duré 20 ans dans un vaste consensus n'a sans doute jamais été soumis à un travail d'interrogation et de jugement comme l'a été la période du nazisme dans l'Allemagne contemporaine. Non, là, pardonnez-moi, mais s'il y a un homme politique en Italie qui objette toujours des blagues et d'articles très critiques, c'est Berlusconi. Il n'y a pas une situation d'apathie en Italie. Les plus grands journaux italiens, La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa, ils sont contraires à Berlusconi. Les plus importants hebdomadaires italiens, L'Espresso, c'est les mêmes. Si vous regardez la télévision italienne dans les programmes d'approfondissement et non dans la variété, il y a des programmes qui sont contraires à la politique de Berlusconi. C'est incroyable de dire qu'il y a une apathie. Non, mais attendez. Jacqueline Risset connaît bien l'Italie. Je connais bien l'Italie. Bah, dans ces cas, il connaît une autre Italie. Robert Maggiori. L'histoire de la presse d'opposition, ça me fait beaucoup rire. D'une part, il est vrai qu'elle existe, bien évidemment, personne ne nie la puissance du groupe L'Espresso, La Repubblica. Mais il faut le mettre dans le contexte. À partir du moment où triomphe une idée de la politique comme entertainment, comme amusement, le fait qu'il y ait une presse d'opposition rentre dans le giron de l'amusement. L'une des plus grandes et belles émissions de critique politique s'appelle les Iene, dans les chaînes de Berlusconi. Autrement dit, on dit, vous voyez, c'est libre, les chaînes. Ils sont d'une violence inouïe, les Iene, contre aussi bien les faits sociaux que contre les faits politiques. Mais ça rentre, c'est mastiqué. En Italie, moi, il n'y a pas très longtemps, je parlais avec de jeunes cousins qui ont une trentaine d'années, qui votent pour Berlusconi, et la phrase qu'ils m'ont dit, ma dai, Berlusconi est forte. Il est fort. Pas au sens, il est fort physiquement. C'est-à-dire, ouais, il est malin, il est roublard, il peut dire des blagues, il parle des filles, il est d'un sexisme épouvantable, etc. Il raconte des blagues, et tout ça passe. Donc la presse d'opposition, si on tenait compte de tout ce qu'a écrit l'Espresso, toutes les semaines, là on parle cette semaine, la semaine dernière, parce que moi je le ressens en retard en France, les milliards qui ont été dépensés pour le sommet, effectivement, du G8 à la Madeleine. L'histoire de la clique, c'est-à-dire des hommes politiques, des entrepreneurs qui se vendaient des faveurs, des chantiers, et dans lequel est pris le responsable de la protection civile en Italie, qui est nommé par Berlusconi. La presse d'opposition, ces jours-ci, devant le siège de la RAI, les journalistes manifestent. Parce que les grandes émissions d'opposition, c'est Anno Zero ou Ballarò, il les a mises entre parenthèses, supprimées pendant la période préélectorale, et les journalistes protestent. Le directeur de l'équivalent de TF1, de Rai Uno, du TG1, Minzolini, qui ment expressément, qui ment volontairement à 20h10, à 20h30, en disant que Mills, l'avocat qui était corrompu, soi-disant par Berlusconi, et il a dit qu'il avait été effectivement qu'il était innocent, qu'il avait été blanchi. Au niveau relaxé. Juridique, relaxé, disculpé, alors que c'est pas vrai, c'est juste le procès a été effectivement on a considéré qu'il avait dépassé les termes de la prescription, point à la ligne, mais il est coupable, il a payé les amendes, etc. Donc lui en direct, il ment. Donc il y a une presse d'opposition, évidemment qu'il y a une presse d'opposition. Mais tout ceci est pris dans une sorte de maelstrom culturel dans lequel tout vaut tout, quoi. C'est-à-dire tout s'amuse, tout finit par des historiettes. Berlusconi a raconté une histoire antisémite au cours d'un meeting. Mais les gens, ils applaudissent. Ouais, allez, de toute façon, il est fort, c'est rigolo, il est jeune, c'est un don Juan, il est jeune, entre guillemets, hein. C'est un don Juan, il raconte des blagues. Oui, c'est pas le représentant du peuple italien. C'est le représentant de l'audimat. C'est-à-dire des téléspectateurs. Le peuple, c'est la ligue qui essaie de le dresser. Et là, l'historien devrait être intéressé par tous les mythes de fondation. Vous vous souvenez des mythes de fondation autour du pot pour donner. Ils ont créé de toutes pièces un pays qui s'appelle la Padanie, avec une culture, avec... Là, on est dans les années 20. Non, mais vraiment, ils ont été sur le pot, ils ont pris l'eau du pot, ils ont fait une sorte de truc mythologique. On dirait Dumézil aurait très bien décrit ça. C'est-à-dire une sorte de reconstitution d'un pays. L'invention de la tradition. Ça aussi, c'est de l'amusement. Mais non, c'est pas de l'amusement. Quand on tire sur les immigrés, comme faisait le Ku Klux Klan, c'est plus un amusement quand même. Ça, c'est pas la Ligue. C'est pas les gens de la Ligue. C'est le discours de la Ligue qui s'est popularisé. La Ligue et le Ku Klux Klan, bien sûr. Non, hein. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est toute la presse est très étrangère. Non, mais là, j'entends l'argumentation de Robert Maggiore qui fait penser au grand manipulateur, c'est-à-dire on aurait une espèce de personnage comme ça qui tirerait toutes les ficelles, qui saurait tout faire. Moi, je crois que c'est un peu différent. C'est-à-dire que considérer que les Italiens sont totalement manipulés et menés par le bout du nez, de la même manière qu'on a pu considérer que dans les années 20, ils avaient été victimes du fascisme qui les manipulait, je pense que c'est une erreur de compréhension. Moi, je pense autre chose. Donc l'idéologie, c'est aussi la fabrication d'un consensus qui choisit les élites qui le représentent. Donc il faut aussi un savoir inverser. Et en ce sens, il n'y a pas d'apathie. C'est-à-dire qu'à mes yeux, il y a une prise en responsabilité de la part des Italiens qui considèrent que ce qui unit, ce qui tient ensemble un pays qui était menacé d'effondrement, de rupture, de craquement. On a oublié les années 90. Mais le début des années 90, il y a des intellectuels pour écrire comment meurt un pays, comment meurt une patrie, comment disparaît le sens de la collectivité. C'était ça l'Italie. Et à ce moment-là, il y a un personnage, on peut en penser ce qu'on veut, mais qui a diverses forces sociales, y compris mafieuses, qu'il soutient, et qui à ce moment-là émerge et dit non, moi je vais. Vous parlez de Bettino Craxi? Non. Oui, enfin, parce que c'est la même chose. C'était son mentor. C'était son mentor politique. Sauf que c'était leader du Parti Socialiste. Oui, mais c'est lui qui l'a, 15% des voix, c'est lui qui l'a monté, qui lui a donné la Legge Mammi, qui lui a permis de se développer, qui a créé les conditions de développement de son groupe industriel et médiatique. Je crois que là, les Italiens ont eu le sentiment que le boulet n'était pas passé loin, y compris avec ce qu'on peut traiter aujourd'hui comme du divertissement autour de la Ligue, mais qui, à mon avis, n'est pas que ça. Et ils ont eu le sentiment qu'il fallait un groupe en face. Il y a eu un moment un homme de gauche qui pouvait incarner quelque chose comme l'unité, qui a été Romano Prodi. Mais depuis, il faut bien le dire, Estenio Solinas l'a souligné, la faiblesse de la gauche, c'est pas Berlusconi qui l'a créée. La faiblesse de la gauche. Veltroni n'était pas si mauvais tout de même. Veltroni, c'est un parmi d'autres. Au même moment, il y a la Margherita, il y a d'autres forces politiques qui jouent et qui jouent y compris contre lui. Donc, il faut aussi penser des groupes politiques, des tendances politiques qui sont incapables de comprendre le principe de la discipline et du leadership. Et on devrait s'interroger en France sur ce type de questions. Enfin, si Berlusconi avait été élu pour mettre fin au déclin de l'Italie, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une réussite, puisque je vois les chiffres. L'Italie est le champion d'Europe du taux d'endettement public. Au-dessus de la Grèce dont on parle tant en ce moment, l'endettement de l'Italie, l'endettement public est de 116%, record absolument d'Europe. Par ailleurs, le taux de natalité est également le plus faible d'Europe après la Pologne. Quant à la crise, l'Italie elle a payé par une récession de 4,9% contre une moyenne de 4% pour la zone euro. Et justement, par le fait qu'elle avait un endettement public qui était le record d'Europe, elle a été incapable de mettre en place un plan de relance comme l'ensemble de l'Europe l'a fait. Donc, je sais pas si... parce que là, c'est les selles, on n'est plus dans la culture, on est dans les chiffres. Brice Couturier, c'est pas faire offense à mon ami Jacques Marseille, dont je pleure aujourd'hui la disparition, mais les électeurs ne votent pas que sur des questions économiques. Les électeurs ne votent pas que sur des questions matérielles. Et on est bien payé aussi en France pour le savoir. Ils votent sur ce qu'ils pensent être une amélioration spirituelle du pays. Spirituelle. Ah bah dis donc, avec la télévision berlusconienne. Avec plein de guillemets. La spiritualité. Des guillemets, des trois petits points. Et postmoderne pour le coup. Mais ils pensent que quelque chose de l'esprit du pays passe à travers cette figure. qui d'ailleurs fait un discours d'une ambiguïté et d'une complexité telle qu'on a dans le même discours parfois Marx, le pape, enfin Marx au sens contre, le pape au sens pour, Jésus, qu'on peut avoir Che Guevara qui va être tout d'un coup une figure politique positive, et Napoléon, et puis de l'autre côté on va avoir un chanteur, etc. Donc c'est quand même ça un discours de Berlusconi, et quand on l'a écouté en campagne, parce que moi je pense qu'on est, quand on est savant en politique, souvent on perd de vue ce côté charnel. Mais on a affaire à quelqu'un qui a été très comparable à Sarkozy pour le coup, un des meilleurs orateurs de sa génération. Enfin, le Berlusconi des années 94-96, il avale tout en termes de discours, comme Mussolini en son temps. Je ne veux pas faire de mauvaises comparaisons, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une dynamique des grands leaders politiques dont il ne faut pas perdre de vue la capacité, non pas à manipuler, mais à synthétiser les opinions à un moment donné. Alors, Stelios Solinas, vous aurez le dernier mot, l'émission se termine. Alors, l'état du pays aujourd'hui, c'est une somnolence collective ou une adhésion active à ce qui se passe ? Non, je ne crois pas qu'il y ait une somnolence collective. Je crois qu'il y a une situation... très critique, parce que Berlusconi, c'est un roi qui règne, mais qui ne gouverne pas. Il y a une difficulté dans son alliance. Il y a des problèmes aussi avec la justice. Il y a une incapacité d'échanger les règles du jeu. Et d'autre part, il y a dans la gauche ou dans la centre-gauche une faiblesse qui ne permet pas de produire un changement. Et là, la comparaison avec la France est tout à fait valide. Merci Stelios Solinas. Je suis désolée, l'émission se termine. Je vous en remercie au téléphone avec nous de Milan, ce qui n'est guère confortable. Vous êtes écrivain, journaliste et correspondant du quotidien italien Il Giornale. Nous étions également avec Robert Maggiori, qui est philosophe et journaliste à Libération. Vous étiez l'auteur, vous avez signé cet article, Robert Maggiori, l'Italie de Berlusconi, un pays en voie de barbarisation, qui était paru le 10 février dernier et qu'on retrouve encore sur la toile. Fabrice Dalmeida, vous êtes historien, spécialiste des questions de propagande par l'image, maître de conférence. Prof à Assas, prof à Assas. Ah, maintenant vous êtes prof à Assas. Excusez-moi, c'était... Oh là là, oh, c'est un gros changement dans les titres. Dans les titres, c'est un gros changement. Professeur à Assas, et j'en citera de vous, La politique au naturel, École française de Rome, qui était parue au printemps 2008. C'était Du grain à moudre, Berlusconi a-t-il provincialisé l'Italie ? Une émission proposée par Julie Clarini et Brice Couturier, diffusée la première fois le 4 mars 2010 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.